Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous voilà de retour. Donc, frère David, après qu'il ait fini de vous expliquer un peu tout ça, tu sens que malgré tout, il est quand même mal en point. Hein. Pour rappel, eh bien, il a été blessé quand même dans tout ça et il a perdu un œil. D'ailleurs, vous pouvez vous remarquer que donc il porte sur l'œil qu'on lui a énuclé, hein, un bandeau qui vient cacher l'orbite vide. Mais vous remarquez également son œil valide comme un liquide purulent jaune qui s'écoule en dessous comme des larmes, comme si c'était du pu, hein, clairement. Donc son œil valide pleure du pu jaune, c'est infect. Mais quelque chose, toi, te trouble, frère David. Tu ressens, de par ton expérience de l'occulte et en tant que frère, hein, tu ressens le mauvais œil. Tu ressens quelque chose de mauvais qui émane. De la personne qui est en face de toi. Pas forcément l'être, mais quelque chose qui transpire de lui, qui te fait ressentir du malin, en fait. Vous voyez que petit à petit, il perd ses forces, il est de moins en moins présent, et il finit du coup par vous regarder et il vous dit c'est terminé, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour les repousser. Arrêtez ce terrible maléfice. Que Dieu vous aide dans votre quête. Et au moment où il dit ça, vous voyez que subitement il arrache le bandeau qu'il tient sur son œil vide. Et vous voyez la cavité qui est rouge et enflée et en même temps même purulente et comme s'il allait perdre conscience. Et au moment où il va pour perdre conscience, je vois. Et à ce moment-là, sa tête explose, vous éclatant à la figure, vous recevez sur vous du pu jaunâtre horrible, mais à même avec bah, du sang et des matières cérébrales. Et vous allez, s'il vous plaît, me faire tous les trois, enfin tous les quatre, un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Réussi. Ah, quel est donc ce maléfice? Sorcellerie! Qu'en est-il de toi, frère David? Je cherche ma SAN sur la fiche perso. Voilà où j'en suis. C'est par rapport à quoi? La Ah volonté. si, ouais, c'est bon, santé mentale 85, ok. Ça, c'est costaud. Ouais, ça va, 56, ça va, j'en ai vu d'autres. 94 pour la part. Je vais tout Alors, pris. je vais donc faire, hop. Renaud de Flandre, tu es surpris, ainsi que toi, frère David, vous êtes surpris, vous avez un mouvement de recul, forcément, de protection. Mais on va dire que vous gérez plutôt bien l'événement. Hein, on va dire que l'expérience des années fait que bon, il vous en faut un peu plus pour vous C'est clair. émouvoir et vous mettre à mal. Par contre, Martinus, clairement, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Tu as un espèce de tic nerveux où tu te griffes le visage à tel point pour enlever ce fluide démoniaque qui s'est jeté sur toi littéralement. Donc tu vas pour tu te griffes littéralement le visage, même presque à sang, pour enlever ça. Et vous, et d'ailleurs, frère David et Renaud, vous voyez Martinus qui littéralement pète un câble, quoi. Il se défigure devant vous, hein. En panique totale. Je lui dis calme-toi, Martinus, calme-toi. C'est le diable qui nous lance ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Faites confiance à Dieu. C'est effectivement le diable, mais Dieu est avec nous. Nous sommes avec lui. Une petite prière pour le prêtre qui vient de mourir. Petite prière. Donc tu perds au passage 3 points de santé mentale. Voilà, tu es affecté. Tu finis à un moment donné par te trouver assis par terre. D'ailleurs, une des personnes te donne quelque chose pour t'essuyer le visage. Et très rapidement, tu ne peux t'empêcher de te nettoyer de partout, en fait. C'est compulsif, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là? Je pense déjà qu'on va sortir d'ici. Et je pense qu'il faut qu'on en discute ensemble par rapport aux informations que nous venons de d'avoir. Qu'est-ce qu'on raconte aux gardes? Mais Vérité? d'ailleurs, Oui. Pourquoi? au cri de terreur de Martinus, un garde vient à ouvrir la porte en trombe et dire: Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ces cris? Et là, il voit le visage, enfin la tête exploser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais J'ai qu'est-ce un que. doute, MJ, est-ce qu'ils nous avaient retiré nos armes ou pas? Je sais qu'il y avait une scène de Non, fouille, mais je sais non, plus comment c'était non, non, fini. non, Non? non, non, non, vous avez Je veux vos armes. dire qu'officiellement on a nos armes. Oui. Zut, ça aurait fait une bonne ligne de défense. Non, Pu mais exploser. après, vous avez vos armes sur. Enfin, Oh, ouais, elles sont rangées. Voilà. Et il n'y a pas de. Non, il n'y aura pas de sang dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été pratique de dire, mais on n'est même pas armé, ça peut pas être nous, quoi. Bon, après, vous avez un rang supérieur à eux, dans le sens où vous êtes là par le comte Baudois. C'est lui qui vous a envoyé pour questionner le prêtre. Voilà, c'est pas des blaireaux qui arrivent de nulle part, tu vois. Donc, Ouais. Mais dans tous les cas, moi je dis juste c'est le malin. Et j'explique pas plus. Parce que je pense qu'ils ont pas besoin de savoir plus. Vous voyez qu'il sait pas trop comment prendre les choses. Il te fait confiance, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait de son corps? Mettez-le dans un endroit pour qu'il soit enterré. Tout à fait, tout à fait. D'accord, et on lui fait les absolutions et on le jette comme ça. Non, non, non. Il faut, malheureusement, ce corps a été sali par la présence du malin. Il faut effectivement faire tout ce qui est en notre devoir pour pouvoir donner une paix à son âme. Bon. D'accord, frère David, nous allons nous en occuper tout de suite. Tu vois qu'il repart dans l'autre sens et qu'il va chercher apparemment, a priori, des camarades pour s'en occuper. Bon. Alors on sort d'ici pour pas avoir les oreilles indiscrètes des gardes. Tout à fait. Sûrement qu'ils auraient pu écouter un morceau quand même de ce qu'il a dit parce qu'il hurlait. Bah, vous sortez et vous finissez donc un peu plus loin, en dehors de... Je monte une bastine pour qu'on puisse se laver. Genre mettre un petit coup. Quand même, parce que là on est ensanglanté. Ouais, je suis d'accord. On va pas traîner dans tout Constantinople comme ça. Bon, après, c'est le pillage, mais on va être accusé de divers problèmes, tu vois. Ouais, non, mais même de toute façon, pour nous. Vous quittez donc le forum de Théodose. Donc, Gilles de la Grave est bien là. Hein, il vous suit. Oui. Ça dit quelque chose, Ramadi? Comme ça, un Vénitien. Toi qui connais bien la vie. Ah, bah, est-ce que ça te dit quelque chose, Ramaldi? Un Vénitien. Non? Ramaldi. Non, non. Mais bon, a priori, ce serait un... De ce que j'ai compris, je crois que c'était un capitaine, donc peut-être qu'il doit être... Au niveau du campement des Vénitiens. Bon, après, j'ai envie de dire, on a plusieurs pistes. Soit on va voir Ramaldi, mais on s'expose parce que, comment dire, le comte Baudouin ne veut pas qu'on crée de tension entre nous et eux. L'église est plus intéressante. Ouais, soit on... effectivement. Tu es en train de me dire de ce que je dois faire. On est où là? Hein? Je t'ai demandé juste qui était ce gars. Tu me dis que tu le sais pas. Tu t'arrêtes là. D'accord, mais je sais pas. Moi, je. Désolé. Je sais que tu veux te rendre utile, mais là, pour le moment, c'est pas le moment. Bon, et cette église, ça m'a cause. Ça m'accuse. Ah, j'ai rien capté à ce qu'il a dit. Il baragouinait dans son coin. C'était bien, Macus. Samocus, tu veux dire? Ouais, l'un des saints. Ouais, Samocus, ouais. Alors, c'est chez les Vénitiens, j'imagine. Non, c'est pas chez eux, c'est plus au sud de c'est plus au sud de de Constantinople. Ouais, sur la septième colline. Ouais, c'est tu vrai. Tu peux nous y emmener? Je pourrais, ouais, mais j'avoue que je suis pas trop, comment dire, partant. Attention. Parce que ils ont dit que il a dit quand même que il y aurait peut-être les gars de la cabale. Moi personnellement, j'ai pas envie de crever. Hein. Et bien, tu n'as donc aucune confiance dans les hommes de Dieu, ma foi. C'est pas ça, mais bon, quand je vois ce que je viens de voir, c'est... Vous nous avez aussi vu mettre mal des petits bandits. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Bon, de toute façon, nous, on vous demande juste si vous êtes capable. Hein. Si vous ne vous sentez pas capable, répondez non. Si, si, mais je pense que je vous montrerai du doigt où c'est et j'attendrai un peu plus loin. Ouais, je vois. Ok. tu sais pas si on a d'autres passages que simplement la grande artère principale pour aller là-dessus, quoi. Il n'y a pas d'endroit spécial où on pourrait peut-être passer discrètement, quoi. Non, hein, mais si, si, si, je peux vous emmener de façon discrète. On verra pas grand monde. Ça c'est pas un problème. Hein. Tu vas aller avec nous, hein, parce que je crois qu'il y a un monstre qui rôde dans ces coins-là. Donc c'est comme tu veux, hein, nous attendre avec les chevaux. Ou... Tu vois que il est pas tranquille. Tu vois, il sait pas trop quoi. Il réfléchit à tout ça. Et dit, ouais, enfin, ben, ouais. On va y aller, puis je verrai bien à ce moment-là, hein. Ah, on verra, hein. Ok. N'oublie pas que je pourrais te retrouver dans cette ville, hein. Si tu me fais ce qu'on dit. Non, mais je me doute bien, il n'y a pas de problème. Le comte le retrouvera de toute façon. Ouais. Oui. Le comte. Celui qui a... Le comte, d'ailleurs, il compte sur moi, le comte, hein. J'ai bien retenu, t'en fais pas, Gilles. Bon, maintenant, allons à cette colline. On va aller voir ce qui se passe là-dessus. Gilles, je pensais pas que tu parlais à Gilles. Je m'étais un petit peu égaré, d'ailleurs. Je pensais que tu parlais au ménestrel. Voilà. Ouais, moi aussi, je faisais la scène au ménestrel. Ah, merde! Non, c'était le ménestrel. Je pensais qu'il s'appelait Gilles. Non, Gilles, non, c'est notre copain. Gilles, c'est le... c'est pas... Gilles, c'est la personne qui n'est pas présente ce soir. Voilà. D'ailleurs, Gilles vous dit que il va retourner faire un rapport au comte Baudouin pour dire un peu ce qui se passe. Et il vous laisse à contre-cœur pour la suite, mais il vous retrouvera assez rapidement. D'ailleurs, il vous dit que ce serait peut-être une bonne idée, une fois que vous avez récupéré tout ça, de peut-être le rencontrer là-bas pour peut-être vous rendre pour rencontrer le fameux moine lépreux qui a priori est très calé en occultisme. Pourquoi pas, ce serait peut-être une piste à explorer pour avoir de plus amples détails par rapport à ça. Du coup, vous voyez qu'il monte sur son cheval, qu'il vous signe et qu'il part tranquillement dans l'autre sens. Bon, bah moi j'arrête de parler parce que je me suis trompé entre les deux prénoms, mais je parlais au ménestrel. Je pensais que je parlais au ménestrel, en fait. Ouais, mais tout le monde, hein, on parle au ménestrel, il y a juste eu le mauvais prénom. Bah, moi, je pensais que ça s'appelait Gilles parce que ça me disait quelque chose, tu vois, mais c'est vrai que, comme t'avais c'est dit, pas Gilles... Le même Gilles. Non, c'est pas vrai, Gilles. En plus, tu vois, ça m'étonnait que le ménestrel était venu avec nous dans la cave, mais bon... Après, je sais pas, ouais, vraiment, bon, bref, dans tous les cas. Cette histoire de lépreux, c'est quoi déjà Alors, le lépreux, c'est mon. Enfin, ça a contact, entre guillemets, parce que moi, je l'ai jamais vu. Mais c'est frère Merovac, qui est un confrère qui est isolé. Et je ne sais plus pourquoi on m'a parlé de lui, par contre, c'est une excellente question. Je sais en fait, qu'il est important. Et je sais pas c'est si le nom doit aller Baudouin. Le voir. Ou... C'est le comte Baudouin, oui, qui vous a dit que, en gros, c'était son conseiller en occultisme. Tout à fait. Et c'était lui qui s'occupait d'analyser les artefacts occultes pour le comte Baudouin. Et que si jamais, bah, du coup, vous aviez besoin de renseignements particuliers par rapport à tous ces artefacts et autres rituels, il pourrait vous être utile. La seule chose, c'est que c'est un lépreux et... Ouais. À cette époque, vous-même d'ailleurs, la lèpre, c'est quelque chose de maléfique, quoi. C'est genre, c'est des pestiférés, quoi. Donc, il faudra prendre sur vous pour aller le voir, puisqu'il se trouve à l'écart de tout le monde, puisqu'il se trouve sur un bateau qui mouille dans le port de Constantinople. Okay. Dans tous les cas, il faut qu'on retrouve le document contenant les indices en latin. Contenant la littérature, je sais plus quoi en latin. Le rituel, ouais, le rituel, ouais. Ouais, le rituel. On va le voir et pour lui poser des questions sur ça. Et aussi, il faudrait qu'on se renseigne sur cette armure en céramique. Ça serait certainement quelque chose. Après, je me demande, en fait, l'église, on sait que c'est là où tout s'est passé, mais je me demande ce qu'ils vont, ce qu'ont laissé la cabale, hein, parce que, enfin, parce que, en fait, visiblement, bah, ils ont pas respecté la statue de la Vierge, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré Alors, le rituel. en fait, non, en fait, non, en fait, ils ont, ils cherchent encore Ah ouais, ok. le rituel, ils n'ont pas réussi à le trouver, Mauvaise note de ma mais part, ils sont pardon. toujours, en fait, dans le secteur de, pour, en fait, Ah surprendre ouais. peut-être des gens qui viendraient, du coup, Ouais, c'est rechercher bon. le rituel. En fait, je t'en mets une note juste pour expliquer rapidement, mais j'ai mis. Il a trouvé l'artefact, j'ai oublié de préciser qui était le heal. Du coup, j'ai cru que c'était Ben, eux, mais en c'est fait, c'est notre le voilà, ami. c'est le père Agostino. Pardon. Donc il a réussi à cacher ça sous une statue de la Vierge, mais jusqu'à présent la cabale n'a pas mis la main dessus. Et ils espèrent que en restant dans le secteur de l'église Saint-Mocus, que quelqu'un vienne rechercher ce rituel et qu'il lui tombe dessus. Donc vous savez qu'en allant là-bas, vous allez probablement tomber sur Tomber dessus, ouais. une troupe de personnes. Alors vous n'avez aucune idée de combien ils sont, mais a priori ils pourraient être quand même plusieurs, peut-être plus que vous. Oui, Donc c'est après bon. c'est à vous de vous organiser, Oui, savoir mais. comment vous faites ou pas. Et puis, est-ce qu'ils sont. Je sais pas. Genre, est-ce qu'il y a quand même moyen d'y aller, genre, sans avoir une confrontation directe, ou est-ce que. Tu vois, genre, Vous c'est ne ça, en savez fait. pas. Bah Vous ne ouais, c'est savez ça la pas question en que moi, je me fait. Vous pose. avez aucune idée. Vous avez aucune idée de où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, est-ce qu'ils sont en embuscade ou pas. Donc la seule chose que vous savez, c'est qu'ils sont là-bas. Mais où, comment, et machin, ça vous en savez rien et vous n'avez aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait, ils pourraient être deux, comme pourraient être 20, Ouais, tout à fait. alors que vous êtes trois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mes chers confrères, mais honnêtement, moi je m'imagine déjà qu'ils sont à peu près 10. Je sais pas pourquoi, mais vu leur puissance, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop nombreux pour pouvoir passer quand même incognito au milieu de Constantinople quand ils en ont besoin de passer, mais qu'ils ont quand même assez nombreux Et pour de faire toute des façon, dégâts. on verra sur place, ça c'est sûr, leur nombre et de la manière qu'on va les approcher. Mais là où je me pose des questions, c'est sur cette armure en céramique qui ferait certainement un bon artefact pour Baudouin, pour notre seigneur. Il faudrait aussi, si possible, mettre la main dessus. Ça a un rapport Ma de toute foi. façon avec le reste, hein. Tout à fait. Alors, juste un petit conseil de MJ. Non, après, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de le Vas-y, faire, hein. vas-y, Ça t'inquiète. n'augure de rien du tout. Mais vous avez tout à fait l'opportunité, hein, de demander à ce que des gens vous accompagnent. Rien n'est interdit. Vous êtes sous les ordres du comte Baudouin, on vous a donné une mission. Vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec vous, hein, et qui Ça soient donne sous vos envie. ordres. Bon, je pose la question. Malheureusement, le plus âgé a disparu. Mais est-ce que on peut faire un premier aller-retour, genre de reconnaissance, et de voir un peu l'état là-bas, pour après demander des hommes s'il y a besoin ou d'y foncer s'il n'y a pas besoin? Ou est-ce qu'on prend des hommes par sécurité, mais dans ce cas-là, on a une approche qui est de toute façon pas discrète? Du coup, je te pose la question, Martinus. Je sais pas trop quoi dire. Je suis encore sur si elle est arrivée au pauvre père là. Excusez-moi, Je comprends, je comprends. Père, Reposez-vous. va dire. Le fait d'y aller discrètement ou peut-être d'envoyer des personnes qui seraient peut-être plus discrètes que nous serait peut-être la meilleure des choses à faire. Parce que dans mon armure, je risque de faire trop de bruit pour m'approcher de là-bas. Ou on verra trop facilement. Alors que si on demande à des personnes qui ont des vêtements plus simples que nous, ils se fondront plus facilement dans la masse. Vous voyez que Renaud réfléchit, il regarde un petit peu en Très l'air et profondément. il fait tourner les yeux. Moi personnellement, je Ça fixe Renaud en attendant du coup fait. sa réponse. Demain, je Mais fixe Père vraiment, David qui fixe Renaud. Tout le monde fixe Renaud. Renaud qui. Nous sommes tous suspendus à ses lèvres. Vous voyez d'ailleurs qu'il est tellement gêné qu'il se tourne, qu'il vous tourne le dos. En tout cas, Martinus, bon, tu finis quand même, malgré tout, par un peu reprendre tes esprits, même si tu gardes quand même au fond de toi une certaine appréhension de ce qui est en train d'arriver. Et c'est le moment où, du coup, Renaud va nous donner son point de vue sur ce qu'a dit Frère David à l'instant. Ah non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mais pratiquement. Ouais, Non, la question c'est, vu qu'on peut avoir des hommes, est-ce que c'est intéressant de faire un premier trajet discret reconnaissance. pour ouais, de reconnaissance et demander des hommes s'il y a besoin ou pouvoir foncer? Martinus a répondu que ça peut être aussi intéressant d'envoyer d'autres gens que nous, mais qui sont plus discrets que nous. Voilà. Pff, en vrai, on peut y aller, nous. Au moins, on est sûr de ce qu'on voit, quoi. Et. Non, moi, je suis plutôt partant, ouais, de reconnaître, de voir, en fait, d'évaluer la situation, comme d'hab. Et, bon, bah, écoute. De toute façon, il faudra les déloger, ces mecs. Hein. C'est des. S'ils sont avérés qu'ils ont fait de l'hérésie, bah, il faudrait. On va s'en prendre à eux, quoi. Mais du coup, est-ce que vous en prenez à eux à trois ou Non, à plusieurs? on fait une reconnaissance. C'est-à-dire, on y va, on voit ce qu'il en est. C'est-à-dire, en fait, on regarde, genre, est-ce qu'ils ont assiégé le lieu en mode grosse présence militaire? Est-ce que ils sont plutôt, je sais pas, moi, à se cacher, etc. Et selon ce qu'on voit, déjà, combien ils sont, comment voilà, leur situation, bah, soit on considère que c'est pas dangereux, on peut y aller à trois, soit on considère que c'est trop dangereux et on va chercher des hommes. D'accord. Donc le but c'est d'approcher sans que nous, en fait c'est que nous on les voit mais que eux ne nous voient pas. Ça, c'est ce que vous allez essayer de faire, c'est Tout à fait, c'est ça? notre but. Mais j'ai confiance en Dieu, comme Oui, d'habitude. c'est Et vrai. la dernière fois, Dieu a vraiment bien accompagné chacun de mes C'est gestes, vrai. donc Il j'ai a toujours confiance. été là pour vous, donc ça vaut le coup. Mais tout à fait. Mais parce que c'est parce que je m'aime et tout le monde sait bah que, comme le disait Saint Bernard, l'amour est la seule façon de dépasser le dégoût que l'on éprouve pour soi-même. D'accord. Eh Oui. bien, Saint Bernard, on vient. vous décidez donc d'y aller, tout simplement. Alors, le ménestrel vous précède et vous demande de le suivre, ce que vous faites. Vous voyez qu'il est vraiment pas serein. Son air un peu hautain, comment dire ça, supérieur a juste disparu, laissant place à un visage qui transpire l'effroi et la terreur. D'ailleurs, vous remarquez que la journée avance, hein, et maintenant, la soirée commence à poindre, et vous savez que plus vous vous approchez du soir et plus vous avez des chances à ce que les hommes soient de moins en moins sobres. Parce que c'est Ce qui est très bien pour notre approche. sûr, mais ce qui peut être aussi moins bien, c'est que si vous faites appel à d'autres hommes, il est pas probable que ces Bah, mêmes hommes on ira les soient. chercher le lendemain. Si on n'est pas une nuit proche. Voilà, au début d'après. Voilà, au début Voilà. d'après-midi. Non, mais de toute façon, au pire, si eux aussi se bourrent la gueule, on peut avoir des avantages pour Oui, l'infiltration. c'est vrai. C'est vrai aussi. Après, je pense que eux, la cabale, sont dans une mission qui dépasse l'alcool Bah, nous aussi, et on est dans la. une mission qui est censée Vous, dépasser l'alcool. vous trois, mais peut-être pas forcément les hommes que vous allez enrôler. Mais Tout à soit, fait, tout à fait. vous y allez. Hop. Alors, c'est parti. Alors, allons directement. Ok, donc vous marchez pendant une bonne heure dans les ruines de Constantinople et vous arrivez du coup non loin de la septième colline où trône l'église Saint-Mocus. Hein, vous êtes du coup dans les quartiers ouest de la ville, hein, entre le forum d'Arcadius et la muraille extérieure. Vous commencez du coup assez discrètement l'ascension de la septième colline. Vous voyez que la zone est pas mal détruite par les incendies qui se sont succédés pendant les batailles et le siège des derniers mois. Vous avez quand même l'impression que ici, y a eu moins de pillages. Hein, d'ailleurs, les gens que vous avez croisés sur votre route sont des Grecs qui fuient. Littéralement, ils se dirigent vers les portes d'or au sud pour fuir la ville. Vous avez croisé des postes de contrôle, mais qui sont moins nombreux que ce que vous avez vu auparavant. Et vous avez noté que tous les citoyens qui quittaient la ville, à partir du moment où ils partaient les mains vides, n'étaient pas embêtés ni contrôlés. À mi-parcours de cette colline, deux prêtres francs arrivent vers vous assez rapidement, haletant. Vous voyez que les yeux complètement écarquillés. Et vous voyez qu'ils sont accompagnés d'une prostituée qui n'a pas l'air toute fraîche, on va dire. Je vais le dire ça comme ça. Ils arrivent. Messire, messire, messire, il faut que vous venez nous aider. L'homme qui est là-bas. Et il vous montre du doigt une personne, a priori un prêtre grec, qui lui est pendu par les pieds sur un balcon qui a été ravagé par les flammes. Vous voyez d'ailleurs à ses pieds, au sol, sept cadavres. Il y a trois croisés et quatre Grecs. L'homme qui est là-bas, l'homme qui est là-bas, il dit que il est possédé par le diable, il est fou, il est complètement fou. Il dit que il a relâché le diable sur la ville. Certains hommes ont tenté de le libérer et ils ont été tués lors du combat, ainsi que les gardes des prêtres. C'est eux là-bas, là, les cadavres par terre. Est-ce que vous pourriez nous protéger en attendant que les renforts ils arrivent, s'il vous plaît? Il est fou, il dit qu'il a libéré le diable sur la ville. Et vous voyez du coup ce gars, ce prêtre suspendu, qui est vivant, qui est bien vivant et qui est là et qui attend. Bon bah je vais marcher, je vais aller le voir. Et je vais dire au prêtre là qui est encore vivant, hey, descends là, viens voir. J'ai hâte de causer. Alors, tu dis ça à qui? Au prêtre qui est suspendu par les pieds? Ouais. Ah oui, Bah, bah oui. il est accroché par. Viens là, Descends. J'aimerais bien descendre. Non, J'ai cru qu'il était sur un balcon. T'avais parlé d'un balcon, je pensais qu'il était sur le balcon en train de faire comme ça, tu vois. Bah, en fait, Donc. tu vois, pendant que tu t'approches, tu as les prêtres qui. Francs, hein, qui te disent que. Que ce sont des croisés francs qui ont sorti du coup cet homme. Il affirmait qu'il s'agissait d'un sorcier byzantin. Il aurait invoqué un Ah bon? monstre affamé de sang franc. Et au moment où ils étaient sur le point de le torturer pour qu'il avoue, et du coup, il y a des alliés grecs qui ont attaqué. Oui, je vois les Je suis cadavres sûr que sauts. c'est vraiment un sorcier. Regardez sa barbe, elle est même pas tombée vers le bas. D'ailleurs, tu notes que effectivement sa barbe, en fait, même s'il a la tête en bas, est toujours droite. Bien droite, en fait. Ouais, Mais t'es bah. pas totalement arrivé à sa hauteur, hein. Là, vous êtes en Ouais, je vais train arriver à sa de. hauteur. Je me déplace. Bon, vous me suivez, frère David et Martinus? Bien évidemment. Quand vous approchez de lui, vous voyez que il tourne la tête vers vous, il a les yeux injectés de sang parce que il a la tête toute rouge depuis le temps qu'il a la tête en bas. Et tu vois qu'il hurle en grec, Le dragon! Le dragon sortira des eaux et dévastera ses anciens ennemis avant de les bouter hors de la ville. Frère David, vous comprenez ce qu'il dit? Excellente question. Est-ce que ce qu'il me dit me parle en termes de croyance occulte, sachant que je rappelle que j'avais quand même un bon bagot, je crois, dedans. Ou est-ce que ça m'a l'air d'être juste ce que dirait quelqu'un qui essaie d'attirer l'attention sans savoir de quoi il parle, quoi. Mais alors ça te rappelle une scène qui fait référence à un dragon qui aurait été terrassé par Saint-Georges. Mais tu te dis que ce dragon a été terrassé par Saint-Georges, donc il ne devrait plus être là. Puis c'est. Enfin, oui, ce prêtre, a priori, pour toi, est complètement fou. Eh Et tu vois bien, que. Voilà. c'est ce que je dis. Ce dont il nous parle, c'est à la limite l'histoire d'un dragon qui a été terrassé par Saint-Georges, mais il a été terrassé, il n'y a aucune raison qu'il revienne aujourd'hui. Donc c'est sûrement des délires sans grand fondement. Vous voyez qu'il se secoue un petit peu sur sa corde, il est complètement enragé, hein, et il continue à crier sa litanie. Et après, il finit quand même par dire que qu'il a invoqué le monstre, mais il ne sait pas où il se trouve maintenant. Mais du coup, ce monstre, pourquoi tu l'as invoqué? Pour vous chasser de notre cité. Mais t'as vendu ton âme au diable pour ça? C'est vous qui avez vendu votre âme au diable. Attaquer des Grecs, enfin Les Byzantins. des amis. Nous ne sommes pas violents envers vous. Jamais vous n'auriez dû nous attaquer. Oui. Et qu'est-ce qui m'empêche maintenant de te couper la langue pour que tu arrêtes de salmodier, ne serait-ce qu'un serment pour invoquer des choses venues tout droit de l'enfer? Tu Rien. comprends? Donc dis-moi Mais. comment on exorcise ton machin et puis frère David s'occupera Je de préfère l'exorciser. mourir que de vous dire comment. Bah, alors là, je suis désolé de t'apprendre que chez nous, les Francs, il y a d'autres étapes avant que tu meures. S'il y a la question, si t'as jamais entendu parler, je me ferai un souci pour toi. Ainsi soit-il. Bon. Du coup, je lui mets une grosse patate dans le nez. Tu vois que tu avais juste là et il s'est évanoui. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas qui est ce prêtre, mais il est complètement cinglé. Et peut-être bien que c'est lui qui a jeté un sortilège à cette ville, ou peut-être c'est ces prêtres, ces initiés qui font en sorte qu'il y ait un monstre dans la ville. Je pense plutôt sur la deuxième théorie, vu Idem, idem. l'état fanatique de ces gens. Tu vois d'ailleurs la prostituée qui était à côté, qui vous regarde, et elle dit ah, je Je l'ai vu. Je l'ai vu. Le monstre, le dragon. Il ressemblait à un serpent géant. Avec comme un poney, un peu. Oui, c'est un peu trop. Serpent géant avec un poney. On est d'accord, ça n'a aucun sens pour moi, cette description. C'est ça, j'ai vu. Un serpent géant et japonais. Bon, à cheval, quoi, j'ai des trucs, quoi. Oui. Elle veut finir comme le prêtre, elle, hein, pendue sur les pieds, une patate dans la tête, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous baragouine et pourquoi elle est aussi sereine en disant bah, c'est un serpent, on en voit tous les jours à Byzance. Ah, je suis pas sereine, je c'est terrible. C'est terrible. Mais je. Bon. C'est vrai, et un monstre. Un dragon. Si. Bon, j'ai dit aux gardes, lâchez la catin et prenez plutôt le prêtre et apportez-le à Baudouin en lui expliquant ce qu'il a fait. Bah, il n'y a pas de garde avec vous pour l'instant. Vous êtes que tous les trois. Vous êtes que tous les trois et il y avait que les deux prêtres et les autres sont tous morts, c'est des cadavres. Ok, je pensais qu'il y avait que les cadavres. Non, non, en fait, les gardes qui sont venus interroger se sont fait prendre en embuscade par d'autres Grecs qui sont venus secourir et ils se sont entretués littéralement, donc tu vois, au sol, des gardes, des croisés francs qui sont morts avec des Grecs. Bon, et... moi, je fais pas trop de prières pour eux parce que vraiment, ils auraient pu se débrouiller contre des curtons, quoi. Donc, c'était des minables, ils ont terminé comme ça. Je vois même pas d'armes. Ils avaient des armes, les prêtres ? Non. Ok, très bien. Non. Bah, non, c'est des prêtres, c'est des prêtres de base, quoi. C'est pas frère David, quoi. C'est pas des moines. Il n'y a pas un fléau d'armes. c'est pas des moines chevaliers, quoi. Voilà, c'est pas des cistériens. Donc, non, c'est pas des moines guerriers, quoi. Ils sont pas là pour taper, c'est des moines classiques, quoi. Mais, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez vraiment intérêt à ce prêtre qui a l'air complètement cinglé et qui dit qu'il aurait lâché un monstre sur la ville et qui veut tuer tout le monde? Ou alors, vous occupez sur ce quoi vous êtes vraiment venu au départ, c'est-à-dire d'aller... l'église Saint-Mocus pour. Par avis de conscience, on serait pas allé voir dans le temple, là, dans le bâtiment à côté. C'est un temple. Ouais. En fait, c'est des ruines. C'est juste des ruines où le gars il est accroché à une ruine en cendres. Il n'y a pas forcément de temple. Hein. Et ils sont juste. C'est juste là, en fait. Ok. Bah, écoute, moi je m'en cure un peu. Dans le sens où je mets déjà ma théorie, et là, vu l'état du combat, je pense que clairement il y a des prêtres un peu rigides qui sont en train de mettre la zizanie. On va les retrouver au bout d'un moment et l'ordre va revenir dans la ville, quoi. Ok, je suis d'accord. Du coup, vous continuez votre route, vous avancez assez prudemment malgré tout. Le soir est en train de poindre. Vous voyez que le soleil commence à petit à petit rejoindre l'horizon avec une certaine une petite couleur sang. Vous voyez, le ciel est devenu rouge avec une odeur de brûlé, une odeur de sang un peu qui émane de la ville entière. Ça donne une espèce d'atmosphère assez macabre, assez horrible. Et donc, vous avancez, vous dirigez vers l'église Saint-Mocus. Vous allez, s'il vous plaît, tous les trois, me faire un test d'écoute. Martinus, tu es toujours sous le joug de tes terreurs qui se sont passées et tu n'as pour l'instant... Quand on n'a rien, c'est qu'on a 25, c'est ça? Je crois que... C'est pas 20? C'est 20? C'est peut-être 20, pardon. Moi j'ai 20 de base, ouais. Bon, écoutez, donc j'imagine. C'est 20 de base, oui. Ok, c'est 20. Et bah, ça passe pas du tout parce que j'ai ça 68. D'accord. Bah, toi, frère David, eh bien, tu es un petit peu pensif. Tu repenses à un peu tout ce qui s'est passé. T'es pas forcément dans le fait d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe, parce que t'as un peu tout qui se bouscule dans ta tête. Plus ce prêtre-là, donc tu dis qu'est-ce qui pourrait être lié à ça, mais pourquoi, si, pourquoi ça, enfin bref, ça cogite beaucoup. Toi, Martinus, t'es encore sous le choc de ce qui s'est passé, donc t'as pas trop les idées claires, c'est assez confus, t'essaies déjà de revenir à toi. Par contre, toi, Renaud, bon, t'es peut-être le seul qui est aux aguets et qui a vraiment conscience là tout de suite qu'il faut faire attention à ce qui se passe. Et d'ailleurs, tu entends au bout de quelques instants, en fait, quelqu'un qui pleure. A priori, ça viendrait d'une pile de gravats qui est un peu devant vous, légèrement sur la droite. Derrière cette pile, a priori, eh bien, il y aurait une personne qui pleure. Je vais aller voir. Ok, est-ce que tu en parle aux autres ou tu vas juste comme ça direct? Oh, je vais comme ça. C'est lui qui pleure. Mais quand tu y vas, Artinus te demande quand même, t'arrêtes. Renaud, où allez-vous? C'est pas par là. Pourquoi on se sépare? Je ne comprends pas. Oh non, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, j'entends des sanglots là-bas. Vous voyez que du coup Mocus, oh là là, vous voyez que Renaud se dirige vers une pile de gravats qui a priori était autrefois un beau bâtiment avant qu'il ne soit incendié et finisse par qu'il finisse par s'écrouler. Alors après, est-ce que vous le suivez? Je ne sais pas, mais en tout cas, Renaud, tu finis par arriver au niveau de cette pile de gravats et tu remarques qu'il y a un groupe de Grecs qui est caché derrière cette pile. A priori, tu comprends vite que c'est deux familles, à peu près il y a 9 personnes devant toi, composées de personnes âgées et d'autres personnes un peu plus jeunes. Tu vois que la personne qui pleure est une petite fille qui est blessée. Je parle pas très bien grec, mais je peux, comme j'ai été un peu hospitalier, je peux peut-être essayer de tenter d'aider la petite fille à produire des soins. Ok. Que faites-vous, frère David et toi, Martinus Jaïs? Ben, je regarde. Est-ce que frère David, il fait. On le suit. Enfin... Oui, suivons-le. Je dis ça en regardant un peu autour de nous et vu que notre principal attrait était le prêtre, on décide de faire un peu un passe dessus. On peut le suivre sans crainte de laisser quelque chose derrière nous. Vous le suivez et quand vous arrivez à votre tour. En haut, vous voyez, du coup, pareil, plusieurs personnes, a priori 9, d'un certain âge pour certains, et d'autres jeunes. Et vous remarquez que Renaud est à côté d'une petite fille qui pleure et qui est blessée, et qu'il essaye de l'aider en essayant de prodiguer un peu de soins. Vous remarquez d'ailleurs que les gens qui entourent la petite fille sont... assez surpris, ils ne s'attendaient pas à ce que des croisés francs viennent en aide comme ça à des Grecs, alors que jusqu'à présent, on pas eu trop de chance a priori. Toi, Renaud, tu vois que la mère de la petite fille s'approche de toi et te remercie en langue franc, enfin ta langue. Ouais. Elle parle un petit peu. Tu vois que c'est pas parfait, mais qu'elle parle un petit peu. Et elle te dit que, et d'ailleurs vous arrivez à ce moment-là, frère David et Martinus, vous entendez ça, que s'ils sont blessés et qu'ils se cachent, ici c'est que ils ont croisé la route d'un groupe d'environ 20 personnes, toutes vêtues de noir. Elles traînent autour du bâtiment qui est là-bas. Pointant du coup l'église Saint-Mucus depuis le début de la journée. Nous sommes cachés, mais nous avons dû nous cacher beaucoup plus loin car la petite a été blessée par l'un d'eux et nous avons dû fuir. Nous n'osons plus trop bouger. Mais je pense que même si je ne parle pas leur langue, je crois qu'ils parlaient en italien. Ouais, ce sont les Vénitiens. Voilà. Bon bah... Tu vois que je reste un peu pensif dans le truc, mais bah, je leur dis ciao. Hein. Ciao. Je leur dis allez... Je sais pas comment dire au revoir en grec, mais tu leur dis au revoir. Je sais même pas comment on dit en vieux français. S'il n'y avait pas un autre terme que simplement bonsoir. Adieu. Bonsoir. Que tu regardes, etc. Ouais, voilà. etc. Bon, dans tous les cas, voilà. On sait que les Italiens sont là. Et qu'ils sont 20. Ouais, ils sont 20. 20, c'est beaucoup, hein. Les trois. Bon après, s'ils se battent comme au siège, j'en ai aucun mal à en défaire 6 ou 7. Mais après, le reste, j'y compte moyen. Avez-vous une idée, frère David, Martinus? Je pense que jouer la sécurité semble peut-être plus favorable s'ils sont effectivement 20, même si ils se battent pas bien, ils ont quand même une supériorité numérique qui peut finalement leur donner raison. Est-ce qu'on n'irait pas juste leur parler? Cela serait déclarer directement que nous savons, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ils resteraient sur leur garde, ils pourraient même tendre un piège pour le futur. Pour l'instant, ils ne savent pas que nous sommes juste là, derrière eux. Autant profiter de l'effet de surprise. Surtout, ils pensent comme étant leurs alliés, pas leurs ennemis. Donc, oui, c'est ça, c'est leur allié. Hein. Ce serait trahir notre couverture. Mais non, mais juste aller leur... Enfin, leur souhaiter le bonsoir. Hein. Oui, mais bon... Si c'est la cabale vénitienne, c'est pas pareil que juste des Vénitiens. C'est vrai, mais ils se cachent. Hein. J'imagine que ils vont pas attaquer des représentants de Baudouin juste pour le plaisir. Mais ils ont la supériorité numérique. Moi, je pense que c'est risqué, très risqué. Même si honnêtement, je pense avoir les compétences pour aussi en dérouiller une bonne partie, mais... En dérouiller. Tout à fait. En oxy, hein. C'est vrai que dit comme ça, mon plan n'est pas le meilleur. Mais c'est intéressant, en fait. C'est dans l'idée qu'on puisse avoir à converser avec eux pour en savoir un peu plus. Mais après, je pense que de toute façon, ils vont se douter que nous ne sommes pas venus ici par hasard. Et que ça nous capture, moi peut-être je tiendrai, mais je pense qu'à un moment, je cracherai le morceau. Non, mais 3 contre 20, ce n'est pas faisable, soyons pas réalistes. On peut jouer le bluff, hein, après. On peut rentrer à 3 et dire nous et nos 20 hommes qui nous attendent derrière cette porte. nous vous demandons. L'armée de Baudouin est la plus grande des croisés. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire. Ce qui, pour moi, en fait, pour l'instant, le fait qu'eux ne savent pas que nous sachons où ils se cachent, ça fait qu'on a un petit temps d'avance. Après, il est clair qu'ils s'attendent qu'on va débarquer à un moment ou à un autre parce que bah ils ont laissé un prêtre en vie, on l'a interrogé, on sait ce qu'il en est. Ils parlent franc en plus, ils le savent. Ouais, donc ils savent qu'à un moment ou à un autre, on va débarquer. La question c'est, ils savent peut-être pas qu'on est déjà là. Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose pour jouer le tempo? Je suis pas sûr, mais en tout cas, il me semble que juste se déclarer comme ça, nous trois, est une bien mauvaise option. Non, bah, retournons au camp de Baudouin et allons recruter quelques hommes pour ce soir. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusqu'au camp de Baudouin. Vous pouvez tout à fait vous rendre sur un des points de contrôle et demander à certains d'entre eux de vous suivre parce que bon voilà vous êtes sous les ordres de Baudouin. Après la seule chose que je vous demanderais c'est de faire un jet de crédit pour voir en gros quelle est la créditude de vos propos. J'ai un peu plus de crédit puisque j'ai pillé un peu. Putain, mais crédit. Oh! Le max! Non, mais là, je recrute. Non, mais les Templars, là, je recrute même les Chevaliers Saints, tu sais. Ok, donc vous faites demi-tour. Vous finissez par tomber sur un poste de contrôle. Vous voyez qu'il y a. Là-bas, à peu près une quinzaine d'hommes. Bah, tu te pointes, clairement, droit et fier, tel Renaud de Flandre. Et tu expliques de façon assez compréhensible et de ta puissante voix de chevalier que vous, enfin, certains d'entre eux vont devoir vous suivre car... le comte Baudouin a besoin d'eux pour exterminer le démon qui parcourt la cité de Constantinople et que il a promis de multiples richesses et de récompenses à ceux qui s'en montreraient dignes. Du coup, tu as une dizaine de personnes, une dizaine de soldats qui s'avancent vers vous. Il y en a même un parmi eux qui boite. Je fais un bon succès là, Léo. Je peux avoir autre chose que les clochards là. Non, mais sur 10, t'en as qu'un seul qui boite. T'en as 9 qui sont viables, c'est bon. Ouais, mais bon. Juste une question comme ça. J'ai envie de. Avec frère David et Martinus, on se fait un petit brainstorming. Juste une question. Ça, on est d'accord que les mecs, là, on va les attaquer pour un soupçon d'hérétisme par un prêtre qui est mort, hein, donc on n'a plus vraiment de preuves pour faire ça. Mais en fait, en réalité, on ne sait vraiment pas si c'est. On se fait pas mener en bateau ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je reste méfiant sur ce point de vue, en fait. Je suis d'accord. Après, ils investissent le lieu dans lequel on peut trouver déjà une preuve de vérité dans son discours. Peut-être que avoir des hommes nous permet de rejoindre votre première idée, Renaud, c'est de essayer de parler. Mais juste, on n'est pas trois, ce qui évite que, enfin, nous sommes pas trois, ce qui évite que qu'ils nous prennent en otage ou quelque chose comme ça. On se dit que derrière, s'il nous arrive quelque chose, il y a des hommes qui vont débarquer. Mais effectivement, Avant d'attaquer, ça serait bien de savoir. Après la cabale, on a quand même des grosses suspicions dessus depuis un moment, puisque même le comte nous en a parlé. Donc il y a de fortes chances qu'on sache qu'elle soit vraiment hérétique. La question, c'est savoir ce que c'est vraiment eux, ce qu'il en est, mais. Mais est-ce que là, dans ce qu'il y a qui garde le Saint Mocus, c'est des kabbalistes, tu vois? Il y a peut-être, c'est juste des Vénitiens qui suivent les ordres de Ramadir, tu vois? Ils sont pas au courant de quoi que ce soit. Bon, moi, je n'ai rien contre pour faire pleuvoir du sang sur des innocents, mais bah, faut être d'accord que là, on s'attaque à des gens. Enfin, on va pas passer pour les gentils, quoi. Ben On va essayer. après, je rajouterai juste un truc, c'est que il y a quand même une chose qui est troublante, malgré tout, c'est que le fait qu'ils soient vêtus tous de noir, Oh bon. c'est pas. Non, sérieux, c'est pas vraiment très logique. En gros. Malgré tout, c'est pas trop la couleur, les couleurs qu'ils arborent les Vénitiens. Les couleurs vénitiennes, normalement, ne sont pas le noir. Oui. Ils auraient dû avoir des armoiries, des couleurs Venise, c'est lumineux, c'est pas la couleur des Vénitiens. Donc, quelque part, c'est plus une couleur qui est apparentée à quelque chose de sombre. Tu veux pas de vue. Enfin, voilà quoi. Oui, non, mais on sait, enfin, moi j'ai directement pris en compte, mais il n'empêche que pour l'instant il n'y a rien qui est réellement certain. Après, Non, moi, comme je le pour disais, de l'instant, toute oui. façon, par le moment où même le comte a parlé de cette cabale, c'est qu'elle a forcément une existence assez matérielle et que, comme dira quelqu'un d'ici 7 ans, parce que je vois le futur, tuer-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Donc allons-y et tant pis. C'est pas longtemps qu'il y a cette phrase. Ouais, c'est 1209. Ouais, c'est pour les pestiférer, quoi. À Venise, on les tue tous et on verra, on fera le tri. Bah, du coup, moi, je vais galvaniser les troupes, hein, leur dire que là, il leur suffit de ces Vénitiens hérétiques qui s'en ont pris à nos frères et qui ont attaqué nos frères. Attends, je finis ma phrase avant de faire moi. Non mais ouais, ils sont ultra galvanisés parce que même juste un mot suffit pour. T'as fait un. Et la voix. Bonjour. Ouais. Là, je sors là. Bonjour. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ce discours et cette galvanitude, même si le mot n'existe pas, te requinque, Martinus. Tu vois, tu es. Malgré tout, ça t'a requinqué, t'es moins Tu dans cries l'horreur de ce que pas t'as avec vécu. eux à chaque fois. Ah Voilà. là, ah là. Et tuer des Vénitiens, je suis chopé. Non Je mais suis je grave. sors les traits, là je Super. sors de la charge, bonjour. Et je sais pas si j'avais dit s'il y en avait d'autres pour les flancs, pour les Flandres, pour les hommes de Flandre. Mais bon. Bah dans tous les cas, je fais le petit discours classique et je leur enfin classique. Enfin, je leur dis clairement qu'on va s'attaquer peut-être à ceux qui sont battus à côté de nous au siège. Mais oubliez ça, ce sont maintenant plus que des hérétiques qui cherchaient profit et qui sont protégés par notre nombre et ceux de Baudouin et non pas par leur force. Nous allons juste les écraser et justement Dieu nous donnera la force. Et là, frère David, je te laisse faire une bitoubou, c'est un truc en là. Non, non, non, Ouais. non, non. Bon, c'est bien tant qu'ils mettent pas le surnom derrière. Le cynique, le cynique. Bon, bah, du coup, là, je pense qu'on est paré. Eh ben, Tout à fait. écoutez, vous Allons-y. retournez sur les lieux, vous regravissez la colline et vous approchez du coup de cette fameuse église Saint-Mocus. Vous voyez que elle a partiellement brûlé et que deux de ses murs se sont effondrés au niveau du dôme. D'ailleurs, vous remarquez que le bâtiment qui est juste à côté est totalement effondré. Vous avancez et vous finissez par vous approcher à peu près de l'entrée de l'église au moment où vous remarquez un groupe de personnes de noirs vêtus qui marchent dans les gravats du bâtiment qui est juste à côté. Vous notez, enfin vous reconnaissez parmi ces personnes. Enfin, vous voyez clairement, attendez, je vais vous dire, il est où celui-là? Il est où? Bien sûr. Bah, évidemment, il était en bas. Cet homme. Alors, il va falloir que. Si tu peux mettre la photo, s'il te plaît, dans le truc. Et donc, pour vous, du live, cet homme. Qui clairement est un peu le patron des types qui sont à l'intérieur. Et vous notez que il a un signe assez particulier. Vous arrivez quand même à voir que celui-ci porte un bandeau métallique sur l'œil. Et que il se retourne dans votre direction et vous voit avec vos hommes derrière vous et il commence à crier: Je vous vois! Il l'a déjà dit ça. Ouais. Bah du coup, on sort l'épée. Et après, il commence à Allons-y. crier Je vous promets une servitude en enfer si vous ne vous rendez pas immédiatement. Et vous voyez que les hommes qui sont à côté de lui commencent à courir dans votre direction. Ah On bah, a les combien taillots. d'hommes, nous? Pardon? On a combien d'hommes avec nous déjà? On se Vous en prend avec un. avez. Vous en avez 10. Ok, Et tu donc vois 13 que. contre 20, ça se joue. Non, vous voyez, j'ai oublié de vous mentionner que, en fait, ils sont 15. Bon, ça Pas se 20. joue, 13-15, ça se joue. Ouais, mais on a un boiteux. Oui, il y en a un 9, boiteux. 9-15, ça se Ah, joue. Enfin. l'équipe française est en difficulté là, contre les Italiens. 12-15, On il les suffit suit. qu'il y a 3 personnes, par hasard, hein, 3 personnes qui soient particulièrement efficaces. Et c'est bon. Ouais, mais bon, après, on verra. Parce Donc, que quand tu veux, ils bah sont en foncer dessus. ouais. Taïo! Et puis, je sors le glaive. Et là, Voilà. c'est parti. Hein, je te laisse faire la phrase, Martinus, de charge. Ouais. J'aime bien la musique de Je... combat, si le MJ a. Alors, attends, je vais essayer de la trouver. Je fais ça en même Merci. temps. Et pardon, Ensanglanté avec le sang des Vénitiens dessus. Et je lance la charge. Hein. On va faire ça comme ça. Dieu est d'accord. Vénitien hérétique. Hérétique. Oui, évidemment, évidemment. Alors, quand même. On va pas mettre tous les Vénitiens dans le même panier, quand même. Bah non, attends. On va Je sais prendre pas Jérusalem. si ça va être ça, mais j'ai pas C'est pas grave. le. Essaye de trouver Battle for Azeroth. Voilà, c'est le nom. Ouais. Parce que Mais là, j'en ça va ai. me faire bugger, hein. Je vais aller sur YouTube, mais Ah du mince. coup, je vais perdre. Ou si quelqu'un arrive à le trouver, je t'avoue. Je te le cherche. Ok, merci. Ah. Parce que j'avoue que faire les deux en même temps, là, je vais. Je Hop. l'ai. Tac, tac. Je te le mets du coup Voilà. pour Dans le le gentil. Oh, ouais, Rhythm vas-y. Bot. Alors, les gens ont fait ça en même temps, hein, parce que. On fait playlist time. Voilà. Battle for the... Ok, et donc là, faut faire un skip. Un FS, s'il vous plaît. Alors, attends, je te Ah, fais. il faut que tu me donnes le rôle DJ. Hein. On fera ça après ce stream. Mais... Voilà, ça y est, Skiped. Ah, ok. Donc, Qu'est-ce qui se passe? Mon chat. Juste ah, mon d'accord. chat. C'est bon, tu as une musique maintenant qui se passe? Ouais, mais je sais pas si c'est la bonne. Moi, ça fait. Ah non, moi c'est une musique Lovecraftienne. Non, y'a Cthulhu. Ouais, y'a Cthulhu avant. Ah merde, il faut encore FS. Non, non, mais c'est bon, il y en a, y en a plusieurs des musiques là? Ouais. Comment tu moi, sais c'est... ce qu'il joue? Ah, j'en sais rien du tout, moi je. Je sais pas. Ça fait un peu voix chorale ouais, non, qui chante. Moi j'ai pas ça. Bon, les joueurs vont faire des skips, toi vas-y, masterise, t'inquiète pas. D'accord. Alors. Vous êtes donc en mode, alors en sachant que, juste pour vous donner une idée, vous êtes devant l'entrée de l'église Saint-Mocus. Eux sont au niveau de bâtiments à côté. Donc vous avez la possibilité soit de faire un frontal direct avec eux, ou alors tout simplement... Vous pouvez tout à fait rentrer à l'intérieur et essayer d'éviter le combat. Voilà. C'est juste, je voulais préciser un petit peu par rapport aux diverses possibilités que vous avez. Voilà. Martinus, hein. Si tu te sens pas capable de combattre, essaye de trouver la statue de la Vierge et prie. Je prie très fort. Moi, là, je te parle en respect, mais bon, on se rappelle des égouts, quoi. Oui, bah, j'ai juste pas eu du tout de chance. J'avoue, c'est vrai que t'as pas été super. Voilà. T'as pas été super sur le jeu. Tu vois que quand vous commencez, donc quand tout le monde commence à courir, vous voyez que le prêtre, enfin, vous rendez compte quand même que c'est un prêtre quand même hein, qui commence à, pendant que vous courez les uns contre les autres, à incanter quelque chose, à bouger des mains avec. Il va falloir fuir à un moment. il gueule et vous entendez des sons assez gutturaux, des trucs un peu langue que vous ne comprenez absolument pas. Et okay. Attendez, je vais faire un truc. Alors moi, je vais commencer à chanter mes prières que je fais habituellement. Pas de prière. Ouais. La voix de Dieu contredira peut-être la voix du malin. On verra. Ok. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de courir. Et frère David, pendant que tu fais tes prières pour te sauver quelque part, tu sens une vive douleur au niveau de ton flanc. Comme si... comme si on t'arrachait un morceau de peau. Ah non, pas la peau. Ce qui te sèche quasiment hein, au moment où tu t'apprêtais à rentrer dans la mêlée. Tu sens que tu te touches le flanc, mais cette douleur, elle est là en fait. Et tu vas perdre. Trois points de santé. Tu prends le temps, un tout petit peu de temps pour regarder. Ta peau est toujours là, mais tu as l'impression que comme si elle n'y était plus déjà, tu vois. Ah ouais, c'est vénère, trois points de santé. Ah ouais, c'est vénère, ouais. Je savais pas combien de points de vie j'avais, mais il me reste 11. Ok. Ok, bah déjà j'arrête de chanter. Et attends, il y a un autre truc que je dois faire. Et tu réduis ton apparence Bon, ça se voit pas, je suis pas d'accord. De 1, s'il te plaît. C'est APP, apparence ? APP, ouais. De... Ouais, ok. Mais normalement, c'est censé avoir des répercussions, non ? Enfin, sur les autres compétences ou... Ton apparence, c'est plus ton aspect physique qui est pris en... Okay. Voilà, c'est plus ton charisme, ton... Voilà, en fait, c'est juste comme j'ai pas un truc automatisé, faut y penser, quoi, s'il y a des répercussions. Non, y a pas de... Ok. Non, c'est parfait, vraiment... Parfait. Voilà, ça a une incidence sur ton physique... Les gens, okay. Comment ils vont te percevoir, mais c'est pas... Ça va. Voilà. Ils le voient pas. C'est en dessous de ma tunique. voilà. Pendant ce temps-là, eh bien... Alors, il faut que juste que je note... votre dextérité, elle est de combien de votre côté? Si vous pouvez me donner. T'as 60 en dex. Toi, Martinus? Non, 70. 70, Martinus? Je reviens. Je t'entends pas. Ouais, 70. 70. Et pour toi, frère David ? J'ai une question. Quand ouais. Tu m'as dit, c'est mon apparence qui pèse de 1, ça veut dire que, parce que je comprends pas cette fiche, c'est mon 50% qui passe à 49 ou c'est mon 10 qui passe à 9 ? 50 qui passe à 49. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ça... Ouais. Ouais, tu perds 1. Non, tu perds 1. Okay, bah, du coup, je comprends pas c'est quoi les valeurs à gauche, mais c'est pas grave. Ah, quoique, non, t'as raison. C'est l'APP qui descend, donc c'est le chiffre le chiffre en lui-même. Et là, quand tu nous demandes la dextérité, tu nous demandes le truc qui a l'air d'être sur 20 ou le truc sur 100 Bah, ce sera pour toi, mais... du coup, ce sera tu me donnes la dex, donc oui, c'est 11. Enfin, je sais pas combien t'as ton index. Bah voilà, mais pourquoi bon, eux, après, ils ont 70 Mais non, parce qu'après, ils comparent avec l'agilité. Tu vois, mais en fait, c'est lié. C'est pareil, en fait. Je te donne ce que tu veux, moi je comprends rien. Bah, donne-moi ton. Alors, on va faire comme ça, donne-moi ton agilité. Non, mais fais ce donne-moi que tu ton... veux. Dix... Donne-moi ton agilité. Dextérité, j'ai 10, agilité, j'ai 50. Après, voilà. Voilà, c'est pareil, de toute façon. Parce que si tu me donnes le chiffre 50, je sais que c'est 10. Parce que. C'est le chiffre, il est lié, en fait. Ouais, d'accord. Les deux sont liés. Okay. Donc, ça, je m'en fiche, en fait. Pour moi, ça me servira. Okay. Voilà. Ok. Et du coup, moi, il faut que je regarde autre chose que j'ai mis là-bas. Attends. C'est ça, normalement. Ok. Ça marche. Alors. En gros, c'est vous foncez dessus comme des gros bourrins, sauf le frère David qui a eu un petit souci de parcours et qui, vous voyez, qui s'arrête en plein milieu de la charge et qui se touche le flanc gauche. Voilà, mais bon, vous continuez, Renaud et toi, Martinus. Et bientôt, vous rentrez les uns dans les autres. Renaud, bah, je te laisse agir. Tu vas être le premier à agir. Ah bah moi j'ai mon épée en avant et je viens l'enfoncer dans le premier qui vient m'attaquer. Bah vas-y, tu peux y aller. Eh bien, j'ai le regret de te dire que ton premier coup d'épée va être arrêté de façon assez facile par le soldat qui te fait face. Tu vois qu'il part assez rapidement et facilement ton geste. Martinus, je te laisse agir. Martinus va s'élancer aux côtés de Renault et va attaquer à son tour. Ce qui est très discret ce soir. Comment ça, je suis discret? Ouais. Et ben voilà. Et voilà, hein, c'est pas mal. Voilà. Et les dégâts. Et fais tes jets de dégâts. J'ai fait 4. Ok. Alors, c'est bien quand même, c'est bien quand même. Du coup, tu te lances dans la bataille, tu envoies ton épée sur le soldat qui te fait face. On peut dire que voilà le gars ne peut pas en fait parer vraiment ce que tu viens de faire parce que il était un peu dans la folie furieuse de la charge et tu viens lui asséner un coup d'épée dans l'épaule qui vient transpercer son au niveau de l'épaule et tu as le temps par la suite de retirer l'épée et le pousser du pied et du coup il vient être repoussé. Pendant ce temps-là, les gars que vous avez fait venir avec vous commencent à guerroyer avec les autres qui sont en face. Blablabla. Bah, c'est le moment où je dois pas faire de conneries. Ok. Ok. Bah, vous voyez que certains prennent le dessus sur certains des soldats des gars d'en face. Ils arrivent à en blesser certains, mais pour l'instant ça reste quand même statu quo avec la grande majorité des soldats. Même si vous sentez qu'il y a un petit ascendant quand même de votre groupe sur le groupe d'en face. Frère David, tu vois un des soldats qui vient vers toi et qui va asséner un coup sur ta personne. Hop. Ok. Tu as la possibilité de faire un jet pour parer en fait. Donc c'est esquive ou me semble. Ça m'air pas mal. J'ai combien d'esquive? Je ne sais plus. Combat, c'est à la fin. Ah non, merde. Oh. C'est comment l'esquive? Bah, c'est dans les compétences. Ouais, non, c'est les compétences. Combat rapproché, tu dois l'avoir. Ah ouais? Alors, non, soit non. C'est ça, ou alors c'est athlétisme des fois, parce que ça dépend des choses. Ah, athlétisme. Bah, je sais que esquive, lui il l'a pas, mais c'est la moitié de ta dex. Oula. C'est la esquive, en fait, c'est par rapport à ta dextérité. Donc c'est 25 sur 50. Parce que j'ai 25 en agilité. Donc la moitié c'est 25. Oui, c'est t'as 50 en agilité, donc c'est 25, ouais. Et bah du coup c'est un échec. Ok, bah tu vois l'épée de ton adversaire qui vient se ficher au niveau de ton flanc droit cette fois-ci. Donc l'autre côté, là où tu n'as pas été blessé. Et il te fait... Attends un peu... Hop... Hop. Tu vois que ton armure encaisse quand même pas mal le choc. Ça vient quand même t'occasionner en fait des douleurs dans les côtes. Mais on veut dire que ton armure absorbe le plus gros du choc. C'est à toi. Que fais-tu? Je avec mon fléau, non, ma masse d'armes. Avec ma masse d'armes, je vais y répondre. Vas-y. Je fais un test de psychologie. Je comprends pourquoi il me Du coup, c'est réussi parce que j'ai fait 40 sur 70. C'est pas mal. Alors, 40 sur 70. Dommage. Et pour répondre à Kindemna, j'ai du cuir et de la maille. Hein, ça me fait 6 points de protection. Qui se trouve en dessous de ma robe. De bure. De bure. Ouais. De bure. Et alors, du coup, bah, tu viens frapper. Est-ce que tu as fait combien de dégâts? Enfin, genre. Ah, J'ai pas jeté les dégâts, pardon. Ah, mais c'est relou, c'est un D3 plus un D4. J'ai pas ça. Attends, je lance Dice Log. Allez, vas-y. Excusez-moi, j'aurais dû y penser. C'est pas grave. Un D3 plus un D4. Un D3. C'est vrai qu'avec Foundry, c'est cool parce que t'as tout qui est géré dans la j'ai même. J'ai fait 5 de dégâts. Bah ouais, mais moi j'aimerais bien être sur Foundry. Bah moi aussi j'aimerais bien que tu sois. Ce serait plus ça. Ah ouais. En gros, tu vois que tu lui rends l'appareil et tu viens avec ta masse asséner un coup au niveau de son oreille. Son oreille qui vient littéralement s'arracher. Tu vois qu'il crie de ouf. Il part sur le côté, mais a priori, bon, c'est pas ça qui va le terrasser complètement, mais tu l'as quand même pas mal entamé au niveau du visage. Vous voyez, du coup, après ça, le prêtre qui commence à incanter encore un truc, mais vous avez l'impression que ça a l'air d'être un peu plus long. Un peu plus ça a l'air de prendre un peu plus de temps, ce qui a priori vous laisse un peu de marge. Il a pas l'air d'avoir fini ce qu'il est en train de faire. Je hurle si c'est possible vers mes compagnons qui sont en plein milieu du champ de bataille. Il m'a pris ma peau. Il m'a fait la peau. Quoi? À toi, Renaud. Bah écoute, là-dessus, je vois que j'ai affaire à un adversaire plutôt compliqué, mais du coup, je vais l'attaquer à coup d'épée. Ah, réussite majeure. Tiens, ça, c'est bien ça. Ouais, j'aurais bien voulu une réussite critique, mais bon. Eh non, malheureusement. Ok, donc tu commences à t'avancer. Lui, il va essayer peut-être, on ne sait jamais, de s'en tirer. Hop. Malheureusement, tu es bien trop rapide pour lui. On sent la fureur dans ton coup. Et tu viens littéralement le bras transpercer de ton épée. Et l'homme s'écroule à terre, mort. Je profite un peu que je n'ai pas d'adversaire pour foncer sur le prêtre, du coup. Alors, t'as quand même... En fait, j'ai pas bien décrit, mais le prêtre restait quand même en retrait de la masse. Et en gros, devant toi, t'as quand même une masse de gens qui se battent. Donc tu vas pas pouvoir traverser la foule comme ça. Mon bouclier comme Captain America, il va revenir. C'est ça, ouais. Non, tu fais un Assassin's Creed, tu lances un couteau comme ça. Je lance la masse, mais elle me fait droite. Martinus, tu vois l'homme qui était en face de Renaud s'effondrer, transpercé par son épée. Je te laisse poursuivre. Tu as un petit peu entamé la personne qui était en face de toi. Ouais, je vais continuer à battre mon épée sur le gars qui est devant moi, en fait, même s'il est un peu mal en point, je vais le terminer, parce que un bon vénitien, c'est un vénitien mort, de toute façon. Et je vais utiliser 9 points de chance pour réussir. Non, même pas 11. 11 points de chance pour réussir. J'ai 11 points de chance pour réussir. Après, tu peux accepter l'échec, hein. T'es pas obligé de vous faire. Non, je n'accepterai pas l'échec. D'accord, je n'accepte plus l'échec. J'ai trop échoué. J'ai trop échoué. Donc tu fais 11 points. Ok. Et, ouais, je fais 3 points de dégâts. Tu relances ton épée sur son flanc. Tu vois que il essaie quand même de parer le truc son épée vient quand même toucher ton épée, permettant de diminuer un petit peu l'impact que tu aurais pu lui infliger, parce que tu avais quand même fait une belle rotation. Sans ça, bon, tu l'aurais peut-être coupé en deux. Malheureusement, il a quand même réussi à parer un tout petit peu, occasionnant un petit filet de sang sur son flanc gauche. Tu vois que bon, il se remet en garde et tu sens que sur le coup qu'il va venir, il va essayer quand même de te rendre l'appareil. Hop. Malheureusement pour lui, voilà, tu vois qu'il lance son épée dans ta direction et t'as bien flairé le coup, tu vois, tu l'as bien vu venir. Tu fais un pas de côté et tu lui donnes un coup d'épaule dans le torse, le faisant reculer et relançant un petit peu le combat entre vous deux. Pendant ce temps-là, les gars qui se battent avec vous. Ils s'en tirent plutôt bien. Ça commence à guerroyer plutôt bien dans votre sens. Vous voyez qu'il y a deux trois ennemis qui tombent au sol. L'un de vous, le boiteux d'ailleurs, malheureusement tombe au combat. Il s'est fait transpercer la tête par un des soldats, mais a priori vous commencez quand même à prendre l'ascendant sur eux. Frère David, tu vois celui avec qui tu guerrois qui lance son épée dans ta direction. L'épée commence à partir dans le bon sens. Je te laisse essayer d'esquiver de parer cela. J'ai pas beaucoup de... Oh, ça passe, 14, donc ça passe que j'ai 25. Ok, tu arrives sans trop de problèmes à utiliser ta masse d'armes pour dévier la lame de ton adversaire, ce qui va te laisser l'opportunité. Ouais. Bah du coup, tu vois, je vois bien, tu vois, genre je repousse et je me laisse juste retomber sur lui, quoi, la masse, quoi. Au mieux, ça tombe sur son crâne. Fais-moi quand même un coup, quand même, parce que voilà. Oui, non, mais évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour le mouvement. Évidemment qu'il y a un jet, évidemment. Je négocie pas ça. Après, j'ai 70, voilà, je suis en conf. 70% en bagarre. Ah non, c'est arme de mêlée, pardon. Bon, j'ai 60% en arme de mêlée, ça reste pas mal. Et j'ai fait 27, donc que ça passe. Alors, attends, on va voir si lui va essayer quand même de contrer ton. Cette mort. On va faire un combat infini. On va juste se contrer comme ça. Vous battez en arrière-plan. C'est ça, c'est le combat d'arrière-plan. Toi, Et incroyable, il arrive à contrer ta masse d'armes. Et non seulement il arrive à contrer ta masse d'armes, mais il est tellement fort qu'il arrive à enchaîner tout de suite un coup qui vient refrapper au même endroit qu'il t'avait frappé tout à l'heure. Et moi, j'ai pas le droit de retenter un contre. Non, parce que là, il a fait un chiffre que tu ne peux pas contrer. À moins que... Allez, je te laisse une chance. Mais il faut que tu fasses une réussite critique meilleure que la sienne. Mais tu sais pas de combien elle est. Ça va être compliqué. Hein. Bah, tu tentes, voilà, c'est toi et ta chance. 92. Maintenant, c'est pour vous, les viewers. Ok, donc malheureusement, voilà, il arrive à faire une contre-parade, parade contre, que, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, et il vient. Contre-parade. Il vient frapper ton flanc, et tu sens tes côtes qui commencent un petit peu à trinquer, et a priori, comme ça, t'as entendu craquer. Tu perds deux en plus. C'est noté, merci. De rien. Renaud, parce que ne crois pas que tu vas passer quand même au travers de la mêlée, un des gars finit quand même par essayer de t'asséner un coup. Et est-ce que tu vas avoir le temps de parer? Suspense. 29. Tu arrives à contrer, mais tu te dis que celui-là a l'air quand même un peu plus costaud que celui que tu avais juste avant. Et d'ailleurs, c'est à toi de jouer, ça tombe bien. Ok, je vais faire un coup, j'ai envie de dire un coup bas. Je prends un peu. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais je jette quelque chose vers le visage. et ensuite lui attaquer pendant qu'il a le regard détourné, quoi. J'allais dire, je lui crache dessus, tu vois, vraiment le coup le plus bas. Bon, bah après, tu peux mettre un coup de pied dans un caillou et genre, tu lui envoies dans la figure. Je lui dis ça dans la figure, quoi. Eh ben écoute, est-ce que ça va marcher ton coup de sable dans la figure? Je suis honorable. Bah, tu sais, entre guillemets, il se prend un truc dans la figure pour que je l'attaque comme ça. Enfin. Ouais, mais est-ce que ça va marcher? C'est ça, parce que si tu veux, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais ça se trouve, il va pas y arriver. Voilà. Ok, bah du coup, ton coup de petit saligo fonctionne. Tu vois que il est un peu troublé par le caillou que tu viens de ou le sable que tu viens de lui lancer dans la tronche. Donc il a son visage qui tourne, qui pivote un petit peu. Comme j'ai fait un succès extrême, normalement, comme mon épée a cet effet-là, enfin les épées normalement a cet effet-là, je crois que je fais les dégâts max. Normalement, tu fais ouais. C'est moi qui ai cliqué plein de fois. Ouais, parce que là, il y en a trop là. Tu viens. j'ai cliqué 5 fois sur coup d'épée. Mais normalement, les épées dans les règles. Enfin après. Dans l'extrême, genre ça, c'est dégâts max direct. En fait, ça fait le dégâts max du dé de l'épée. Et ouais. Tu relances un dé. Ce qui fait que tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts, quoi. Ouais, enfin bon, on va pas aller jusque-là. Fais-moi la kill cam direct, parce que c'est un peu... Oh là là, pas marrant. Bon, là, j'ai fait 3. Ouais, enfin bon, si tu maxes déjà les points max du truc, tu peux me décrire un peu la manière dont tu le tues, parce que là, tu vas le tuer. Je le tue. Ok. Bah oui, tu dis... Au moment où je tourne son regard, là, d'un coup, mais vraiment, le coup... je regarde le chat qui coiffe. Donc, d'un coup, je lui donne un énorme coup vertical avec mon épée qui rentre dans les côtes et je cisaille. Donc, vraiment, là, j'y vais vraiment franco, quoi. Je cisaille et puis vraiment après, si tombe au sol, bah tant mieux. D'accord. Du coup, vous voyez quand même que le combat tourne largement à votre avantage. Hein. Martinus, tu vois encore une fois Renaud défouraillé du soldat. Ça tombe à tour de bras à son niveau. Celui qu'il vient d'Oxyr a littéralement entaillé en deux, il se fait ouvrir. Hein. Du coup, c'est à toi, Martinus. Tu vas essayer d'en finir avec cet adversaire qui te toise. Oui, il me toise trop là, je n'en peux plus. Qu'il crève. J'ai essayé de relancer. Ça me relance. Alors, malheureusement pour toi, tu relances et tu commences à faire un moulinet avec ton épée pour essayer de terminer, hein, littéralement. Et ton épée, en fait, t'échappe des mains et vient se planter dans le sol, mais juste derrière lui. Et c'est le moment. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, t'as relancé, c'est... Ouais, non, d'accord. C'est, tu joues avec le feu, hein, clairement. Et tu vois que cette personne se jette sur toi, l'épée à la main. Tu peux essayer de t'en sortir du mieux que tu peux, je te laisse lancer un jet d'esquive. J'essaie de parer avec mon bouclier, du coup. Ouais, ou de haut bouclier, bien sûr. Et je vais prendre les dégâts, tiens. Allez, prenons les dégâts. Ok. Alors, tu essaies de mettre le bouclier. Lui, en fait, arrive totalement à anticiper ton coup, se décale légèrement sur le côté gauche pour venir t'assainir un coup de flanc. Et il vient te toucher au niveau de la hanche, t'occasionnant du coup 2 points de blessure. Pendant ce temps-là, Tu viens te toucher un peu là, tu décales un petit peu sur le côté. Pendant ce temps-là, vos camarades, eux, continuent à se battre. Et clairement, vous voyez clairement qu'ils prennent le dessus sur les assaillants. Plusieurs de vos ennemis tombent par terre. C'est maintenant un combat à du 8 contre 7. Vous voyez d'ailleurs, dans le même temps, le prêtre qui commence à reculer, qui commence à partir un petit peu dans l'autre sens, et qui commence à crier. A priori, ils sont pas seuls dans le secteur. Les soldats qui vous font face, les 6 derniers, commencent à reculer pour essayer d'esquiver un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez au front direct ou vous décidez de vous concentrer sur ce que vous êtes venu faire? On se concentre sur ce qu'on est venu faire. Je pense, là c'est bon, on a fait passer le message. On peut laisser à la limite nos hommes mourir. J'ai pas dit ça, je voulais dire on peut maintenir les hommes. Et nous trois, aller nous concentrer sur la quête avant que... Parce qu'il y a un homme qui m'a piqué un morceau de peau, donc ça va mal finir. Donc moi je suis pour qu'on... Pour chasse. Non, pour qu'on fasse notre quête, qu'on va aller chercher la statue de Sainte Marie et puis voilà quoi. Parce que il va avoir des répercussions terribles. Hein. Il y a un mec qui va se faire passer pour moi. Hein. Bah du coup allons-y. Hein. Moi je dis aux hommes gardez foi. Et puis. Exactement, gardez foi. Ok, bah du coup Martinus, tu récupères ton épée, t'as le temps parce que ton adversaire est parti. Vous commencez à vous diriger à l'intérieur de l'église Saint-Mocus, hein, je vais y arriver. Vous voyez que c'est une. Alors est-ce que vous laissez vos hommes dehors ou vous leur demandez de venir avec vous? Vous pouvez tout à fait, vous voyez que les portes de l'église sont assez mastoc. Hein. C'est genre les grosses portes que tu fais en mode, elles sont épaisses comme ça, tu vois, les portes. Hein. Il faudrait un bélier pour les ouvrir. Et vous voyez d'ailleurs des grosses cales que vous pourriez tout à fait mettre derrière pour bloquer littéralement l'entrée. Bah... Faut les faire entrer ou pas, Renaud? Pardon? Nos hommes, il faut les faire entrer ou pas? Ils vont pourchasser les autres, enfin, ils vont nous servir de diversion. Vraiment. Comme vous voulez. Vous avez le choix. Soit vous leur dites de venir avec vous, soit vous les envoyez vous savez pas quoi. Je pense qu'ils peuvent faire un peu front quand même et nous laisser le temps de trouver la bonne statue. Parce que si eux ils y sont depuis le début de la journée, je pense qu'on va pas rentrer, trouver la statue, repartir aussi vite quoi. On a besoin d'eux pour faire éponge, malheureusement. Ok. Les gars, faites éponge. Faites éponge. Ouais. Tenez le plus longtemps possible. Non. J'ai l'impression d'être leur gourou maintenant, merde. C'est ça. Hein. De personne, donc en vrai, je t'ai imposé un peu le respect. Pendant ce temps-là, vous voyez vos hommes qui commencent à courir en direction des fuyards, hein, clairement. Vous décidez de rentrer. Est-ce que malgré tout, vous prenez le temps de fermer la porte de l'église en mode. On ferme vraiment, tu vois, avec les cales et tout. Bah, en vrai, si... Je vais le faire. Ouais. Parce que, clairement, non, en plus, si certains n'ont pas fait gaffe qu'on soit parti, ça peut permettre qu'ils ne nous cherchent pas activement. Qu'ils ne se disent pas, merde, ils y sont allés. Donc, okay. Moi, j'aide Martinus à fermer, parce que c'est des gros trucs, donc j'aide Martinus à fermer. Moi, vu que je m'y connais un peu là-dedans, je prends des bancs, je les place bien comme il faut pour en fait, faire des piliers de soutien et tout ça, ce genre de choses-là. Ah, je suis Vous rentrez à l'intérieur. Je sais que moi, je n'ai pas l'esprit analytique et du coup, je fais ça. Tu fermes tout. Ouais, c'est ça, moi, je... C'est les barricades. Voilà, c'est la barricade. Voilà. Ils sont pas prêts de rentrer avec tout ce que tu as mis devant la porte. Vous arrivez du coup devant une... Dans l'église Saint-Mocus, vous remarquez du coup quand vous êtes à l'intérieur, à l'entrée, que le dôme effectivement a subi des dégâts puisque le dôme, le toit est partiellement effondré. Donc vous voyez au sol des gravats et tout ça. Et ce que vous notez, c'est que c'est une église somme toute classique. Il y a des bancs dans la nef où les fidèles vont venir pour prier. Un autel où sont entreposées la croix du Christ. Vous notez dans l'entrée la frise de Saint-Georges et le dragon. Ça te dit quelque chose, frère David, et vous aussi ça vous rappelle peut-être le récit que frère David vous a un petit peu narré tout à l'heure avec le dragon que combattait Saint-Georges. Et vous voyez des frises sur les côtés de dessins avec des dessins plus ou moins fidèles. Maintenant, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Qu'est-ce que vous cherchez? La statue de la Vierge. Ok, donc vous faites le tour totalement. Un petit peu de toute l'église et vous notez que alors attendez, c'est le moment, voilà, et vous notez qu'il y a 10 statues de la Vierge à l'intérieur de celle-ci. Certaines sont de taille assez petite et d'autres sont assez imposantes. Pour te dire que vous en notez deux d'entre elles qui sont assez lourdes et limite vous savez qu'il vous faut vous y mettre tous les trois pour pouvoir la soulever. Alors, sans la détruire. Hein? Le mec était tout seul hein, pour le cacher. Moi je vous dis ça, hein, c'est vous notez, voilà, donc. Moi, je suis d'accord avec Renaud de Flandre, c'est que effectivement, il était seul, donc il y a de fortes chances qu'il ait pris plutôt une petite statuette de la Vierge. Mm-hmm. Donc, qu'on se concentre d'abord sur celle-là, et après, bah, si on s'est trompé, c'est qu'il a une force incroyable et que... Ah oui, qu'il a été aidé. Ou qu'il a été aidé. Mais il semblait qu'en tout cas, pas mal agir seul hein, dans son délire. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Oui. J'ai gagné. J'ai fait 0 et 1. 0 et 1. Ça fait 1. Oui. Ok. Vous tournez un petit peu pendant quelques instants. Et le regard de Martinus et frère David se bloque sur une frise de saints hein, et de différents personnages. Alors on a perdu, on a perdu quelqu'un. Ouais, on a perdu Xen. Ouais, il a pas aimé. Il est revenu. Il y a eu deux réussites critiques et pas lui, donc il en a. Ouais, voilà, il était dégoûté, il avait pas réussi. J'ai réussi. C'est pas critique. Hein, c'est... Attends. J'ai réussi, excusez-moi. Alors, j'en profite juste pour remercier Camille 575 je l'ai pas fait avant, là je profite du petit truc pour les beats, merci beaucoup, c'est vraiment super sympa. Désolé, je l'ai pas fait avant parce que je voulais pas casser un peu la narration, mais j'en profite, merci à toi. Vous remarquez du coup une frise qui saute à vos yeux. Et c'est un peu le moment où vous entendez des coups violents sur la porte de l'église. Ah bah, dépêchons. Et une voix qui crie à vous, hein, vous ferez d'abandonner, sortez, ou bien nous viendrons vous oxyr. Par contre, ce n'est pas la même voix que le prêtre. Ah, bah, je lui dis, viens-t'en affronter Renaud de Flandre. Le Et vous entendez, d'ailleurs que, bizarrement, il y a l'air d'avoir pas mal de monde dehors, en fait. Beaucoup ouais, plus bah, que tout à l'heure. Sa gueule et tout. Et tu vois que ça tape sur la porte. Et que, n'arrivant pas forcément à venir à bout du monticule de trucs qu'a fait Martinus, a priori, un des murs sur le côté qui est un peu affaibli. Vous commencez à voir de la poussière et des gravats qui commencent à tomber légèrement, et des grands coups de butoir qui commencent à taper dessus. Vous pensez que il va falloir vite faire quelque chose parce que le mur va pas forcément tenir très longtemps. Mais c'est le moment où toi, frère David et Martinus, une fois que vous reprenez un petit peu vos esprits, vous retiquez sur la frise et vous voyez au creux de la frise une petite statuette de la Vierge. Toute petite. Qui est incrustée dedans, en fait. Eh bien, allons voir là. Ce serait la taille. Ce serait la parfaite vierge et la taille idéale pour aller cacher un rituel, je suppose. C'est pas à quoi ressemble le rituel en vrai. En vrai, le rituel, ça sent cette quoi, un bout de papier? Ouais, on l'atteint. C'est probable. Ouais. Ouais, c'est T'imagines pas un gros bouquin. Genre une tablette de pierre. Ouais, c'est ça, une tablette de. Justement, si je me posais pas la question, mais maintenant que j'y suis. Bon, allons voir cette petite statuette. Vous vous approchez de la statuette. La soulever, et effectivement, vous trouvez en dessous de celle-ci un petit paquet de la taille d'un petit carnet. Qui le prend, enfin, qui c'est qui le récupère? Oh, j'espère qu'il y a un sortilège dessus pour nous faire sortir de cette situation. Je prends le carnet. Ok, d'accord. Donc tu prends le carnet. Tu l'ouvres et dans celui-ci, eh bien, tu trouves une feuille de papier ciré sur laquelle est écrit quelque chose est écrit en latin et en grec. Alors. Attends, je fouille dans ma mémoire avant de réagir. Oui, je connais le grec et le latin, donc ça va, je peux m'en sortir. J'ai 60% grec, 75% latin, donc je m'en sors bien en latin. Okay. Est-ce que je peux lire instinctivement ce qui bien est sûr. En latin? Bah oui, carrément. Okay. Tu lis. Il viendra depuis la tour ensanglantée à la demande de son fils et adorateur préféré, et la ville en deviendra rouge de feu et de sang. Il n'y avait pas une teinte rouge quand on est arrivé? Mais si. OMG. Tu vois, avec ceci, avec cette, en plus de cette feuille, trois pages, a priori, qui sont écrits aussi en latin, en grec et en arabe, tu penses. Okay. Et que il y a de nombreux symboles occultes. Tu vois des images d'humains écorchés. Et a priori, une image d'un corps découpé qui orne les deux côtés des pages. Est-ce que tu peux me faire un test de sciences occultes? Ouais, bon, c'est une réussite parce que de souvenir j'ai 70. Je vérifie quand même, histoire de pas dire que c'est une réussite pour rien. 75, donc oui, c'est clairement une réussite parce que j'ai fait 62. Et faut une petite réussite parce que c'est une réussite. Pendant que je fais ça, tu vois, genre, je suis en mode bon, on a le bouquin, il va falloir fuir. Mais je dis ça en même temps que je bouquine, quoi. Genre, ouais. Bah, coup, je ça, leur dis bougez-vous, mais moi je bouge pas. Ça te confirme que c'est bien le rituel, tu vois. T'as pas besoin forcément de tout lire parce que t'as pas forcément le temps, ça part un peu en sucette. Voilà, tu trouves en plus de ça un espèce de petit losange qui est inséré dans une boîte en argile, donc qui est cassé en son milieu et serré par de la cire. Tu vois que la boîte est recouverte d'une inscription en latin et en grec qui indique que l'ouvrir résultera en une mort certaine. Qu'est-ce que tu fais? Attends, répète. Oui. Tu viens de trouver un petit losange qui est inséré dans une boîte en argile cassée en son milieu, qui est scellée par de la cire. Ouais. Cette boîte est recouverte d'une inscription qui est en latin et en grec qui dit « L'ouvrir résultera en une mort certaine ». Donc si tu l'ouvres, tu meurs. En gros, ça veut dire ouais, ça. Ouais, non mais c'est bien ça, mais ça m'a choqué. Est-ce que tu l'ouvres? Bah évidemment. Allez go. Allez, on l'ouvre. je prends la boîte, je la montre à mes compagnons et en même temps, je presse le pas en mode bon, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de sortir. Par contre, j'ai trouvé une boîte, mais il faut trouver un moyen de sortir. C'est toujours l'autre qui est en train de défoncer le mur. Ça arrive à Kinamna. Oui. Du coup, vous voyez que ça défonce les murs. Le mur va pas tarder à péter. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez en gros, vous faites un peu. Enfin, je vous décris un petit peu comment c'est fichu au niveau. Vous voyez quand même que de tout ça, il y a un escalier qui descend. Moi, je suis visible, ça descend. Hein, en même temps, vous êtes dans une église. Voilà, il y a un escalier qui descend. On descend, on va dans les sous-sols. Il n'y a pas de sortie autre que l'entrée principale, Père Bobby ? Non, c'est la seule sortie possible et la porte principale, et il y a un escalier qui descend. Mais c'est bizarre, ça, par contre. Bon, descendons. Après, vous pouvez tout à fait affronter votre destinée voilà, ou essayer de négocier, ou alors vous essayez de vous barrer. Comme vous avez le choix. Il y a des fenêtres? Non, il n'y a pas de fenêtres. Non, il n'y avait pas encore à cette époque de vitraux. Ça se faisait pas. Le vitrail, ça se faisait pas. Ah, t'as des meurtrières, c'est pas mal. Ouais, alors faut être bien mince. Ah, non mais il y a pas moyen de passer par une arrière, enfin genre déjà de quitter cette salle principale où on est pour peut-être s'enfoncer, peut-être aller dans les sous-sols, enfin je sais pas, mais s'éloigner de l'entrée s'il défonce la porte et voir si on trouve autre chose, mais en tout cas de pas être juste là quand il va défoncer la, enfin le. Bah, alors on descend dans les sous-sols hein, du coup. On a plus de chances de toute façon de se battre en un contre un que s'ils viennent tous sur nous. Oui, tout à fait, sûr. Je suis d'accord. Allons nous cacher dans les sous-sols. Bon, moi je ferme la marche. Vous descendez dans les sous-sols. Voilà. On change d'ambiance. Il faudrait que si tu peux remettre la musique que tu avais au début, un peu bizarre. Ah, ça je peux le faire, j'ai le lien. Voilà. Vous décidez de descendre par les escaliers. Il fait plutôt sombre et vous comprenez assez vite que vous êtes en train d'entrer dans la crypte de l'église. Vous voyez qu'il y a des torches qui sont éteintes mais qui sont disponibles dans leurs emplacements, les torchères. Alors, hop. Donc, vous avez réussi à bloquer la fameuse porte d'entrée. Donc, a priori, la seule manière qu'ils vont pouvoir de venir vous voir, c'est défoncer le mur. Chose qui ne devrait pas tarder à arriver si vous ne vous dépêchez pas de vous barrer. Vous voyez que la crypte n'a subi aucun dégât. Sinon, peut-être un mur au loin, à l'est, qui a l'air d'être un petit peu effondré. Vous voyez qu'elle contient deux zones distinctes. D'un côté, des sépultures en pierre et des alcôves dans lesquelles vous voyez des squelettes qui sont couchés sur le côté et la tête relevée face à l'est. A priori, c'est la manière pour les enterrer ici. Vous voyez d'ailleurs que deux guerriers byzantins reposent là en armure complète. Voilà, après, vous pourriez tout à fait, si vous le souhaitiez, mais sachez que ce ne sont vraiment pas des choses qui se font, récupérer armes et boucliers. Ah non, ça serait... Déjà, c'est fou, hein. Tout à fait. C'est contre la volonté de Dieu. Exactement, tout à fait. Vous voyez d'ailleurs que il y a aussi d'autres tombes qui contiennent des dignitaires quelconques. Qui sont enterrés dans leurs vêtements, voilà. D'ailleurs, vous voyez aussi trois tombes qui ont été éventrées et les squelettes gisent en tas par terre. Qu'est-ce que vous faites ? Bonne question. Maintenant qu'on gagne du temps se cachant, c'est très rare qu'il y ait des sorties à partir des cryptes. Et il n'y a qu'un mur un tout petit peu abîmé, mais pas grand-chose. Franchement, je ne sais pas, me tourne un peu... Oui, pardon, vas-y. Tu vois un mur un peu affaissé. Maintenant, vous pouvez vous avancer et regarder l'état du mur. Ouais, on va voir. Je propose à Martinus et à Renaud... honnêtement, sinon après tout ce qui nous restera, ça sera se cacher dans une tombe et je n'ai pas très envie. Donc, Moi non plus. Je n'aime pas côtoyer la mort d'aussi près. Oui, essayons de trouver un autre moyen de sortir. Je regarde, moi, les murs qui s'effritent un peu. Si en enlevant une pierre, peut-être ça pourrait ouvrir un passage. Vous avancez vers le mur du fond, que vous avez vu à la lueur des torches, parce qu'il fait quand même assez sombre. Mais vous avez vu qu'à la lueur des torches, a priori, le mur là-bas est un peu... abîmé, le sol. Pendant que vous approchez, d'ailleurs, frère David, tu sens quand même que ta blessure te fait un peu mal, tu vois. Enfin, peut-être que ce serait un peu le temps, juste rapidement, tu peux tout à fait te dire de te soigner ou regarder vite fait l'état de tes blessures pour te faire un soin ou quelconque. En tout cas, pendant que vous y allez, vous apercevez finalement que le mur est percé d'un trou assez important, d'environ 2 mètres de haut sur plus d'un mètre et demi de large. Et qu'il semble assez récent. La pierre n'est pas émoussée, il n'y a pas de. C'est assez frais. Voilà. D'ailleurs, vous notez que il y a encore un peu de poussière et de petits cailloux qui tombent de temps à autre par le trou, comme si ça avait été fait il y a pas longtemps en fait. Mais vous êtes plutôt confiant sur le fait que c'est pas le genre de truc qui va vous tomber dessus quoi. Genre ça va pas s'effondrer dès que vous allez passer à l'intérieur. Ouais. Je vous propose que j'essaye tout d'abord de passer en premier, vu que je suis sûrement le plus fin. Avec votre armure ? Je fais pas. Elle fait pas 2 mètres, mon armure. C'est vrai. Je suis gigantesque. bah, de mettre mon armure et puis je passe les balances. Dis tout de suite que frère David est gros parce qu'il mange trop d'hosties, mais bon. Mes frères David, si jamais il passe avec sa blessure et que ça ne sert à rien, il faudra qu'il repasse de l'autre côté ensuite. Et j'ai pas envie de le faire souffrir deux fois si c'est pour rien. Allez, vas-y, passe devant, petit. Et du coup, je passe devant. Ok, bah tu commences à passer à l'intérieur. Alors, tu as. Alors, est-ce que vous avez pris le temps d'essayer d'allumer des torches ou pas Enfin. Si en même temps, j'avais dit qu'à la lumière des torches, vous voyez. Donc, on va dire que vous l'avez fait. Ça m'évitera de faire des trucs qui sont pas cohérents. Donc, vous l'avez fait. Merci d'avoir répondu. quand tu passes, du coup, le trou. Tu notes une odeur assez bizarre. Tu saurais pas trop quoi dire. Tu saurais pas trop à quoi ça te fait penser. Tu entends le clapotis de l'eau au loin. Et d'ailleurs, tu notes aussi que quand tu passes ta torche dans le trou, quand tu avances, la torche, tu sais, frétille, comme si un vent. De l'air venait des manées de au loin quoi. Je crois qu'il y a une sortie par là. C'est bon. Bah suivons-le. Ok. Totalement. Moi j'ai hâte de partir, j'ai mal. Vous continuez un peu plus loin. Et vous parcourez à peu près. Une quinzaine de mètres en pente douce. Finissez par déboucher en haut d'une citerne. Vous voyez cette salle remplie, une salle remplie d'eau, avec plusieurs colonnes qui viennent soutenir le tout pour ici recevoir de l'eau fraîche. Qui puisse alimenter le quartier de la ville. Vous comprenez assez vite que l'eau est assez profonde et que si vous y allez à l'intérieur, bah, il faudra nager. Après, vous notez également que un espèce de passage assez large, a priori deux personnes pourraient s'y tenir côte à côte, fait le tour de la pièce. Ben, on peut passer par le passage, hein. C'est peut-être le plus préférable. Parce qu'il faut éviter de mouiller les cris. Oui. Nous, on est en armure, enfin, le passage semble plus sage. Ok. Bah, c'est bien dit. Hein. Ok. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un jet d'écouter, s'il vous plaît. Ça va faire plop, plop, plop. Et toi, frère David ? J'ai fait 14. Renaud et Martinus, vous avancez prudemment, certes, mais assez confiant. Frère David, tu es juste derrière eux et alerte. Et un bruit vient à tes oreilles. Et tu entends un souffle puissant, comme un et ça vient d'où? Fais-moi un toc, un jet de toc, s'il te plaît. Ouais, un toc. Ça passe, j'ai fait 39. Ce bruit t'alerte un peu. Alors, je sais pas si tu préviens tes camarades ou si tu les laisses avancer, tu les laisses continuer. En tout cas... Je veux juste d'abord identifier d'où vient le bruit avant de les alerter. Le bruit te fait un peu balayer la salle, dans la direction à peu près de là où tu l'aurais entendu. Mais étant donné que tu es dans une salle un peu d'eau et qu'elle est assez imposante, tu sais, tu as un peu cet effet de son qui réverbe un peu partout. Mais ça te fait entrevoir quelque chose que tu n'avais pas forcément vu tout à l'heure. Puisque tu tombes, tu vois en fait les restes d'un sacrifice posé sur une pièce sur une pierre rudimentaire élevée en autel au centre de la citerne. Tu vois une coupe ensanglantée, des symboles tracés dans le sang et des odeurs nauséabondes te parviennent. Jusqu'à toi, qui émane d'un ancien feu vert, et tu comprends assez vite, de par tes compétences en occulte, que c'est un lieu d'invocation. J'alerte immédiatement mes amis. Ça sent pas bon. Est-ce et que surtout, tu peux faire je viens d'entendre un sourire. Oui, vas-y, dis-moi. Finis juste ça et après je... Non, je disais juste que comme je viens d'entendre en plus un énorme... les respirations, souffle, je sais pas vraiment quoi le décrire, mais... ça sonne... Enfin, c'est pas bon signe. Tu vas me faire un test en sciences occultes. Ah, ça, je suis bon. Parfait, j'ai fait 38. Donc normalement, c'est la bon. Chose qui ouais. te parvient à l'esprit, en fonction de la de ce que tu as vu, l'autel, le sacrifice, les symboles, te fait réaliser que rien parmi ce qui se trouve sur place ne va vous permettre de bannir la chose qui a été invoquée. Le seul moyen que vous allez pour parvenir à s'en débarrasser va être de la tuer. Et c'est à ce moment-là que tu vois, que tu analyses exactement en gros où tu trouves l'endroit où ce son parvenait. Et tu vois la lueur des torches la réverbération sur l'eau. Des petites cornes qui effleurent le sol. Un crocodile, tu sais, qui affleure l'eau, prêt à attaquer sa proie. Et tout de suite, tu fais le rapport avec quelque chose qui s'est passé quelques temps avant. Le dragon. L'invocation. On va tous mourir. Et merde. Et c'est le moment où je me dis, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais la prochaine fois? Je pense la prochaine fois, vu l'heure, en 13 minutes, je pense pas qu'on va avoir le temps. Exactement. Et puis tu pourras faire un petit suspense pour faire venir Al, en mode sauveur héroïque. Il y aura des trucs bête. À faire, quoi. C'est pas bête. Eh bien, sur ce, nous allons mettre fin à cette session. On se retrouve juste après le générique.